j'attends. Sur un banc, comme un con, j'attends l'amour parfait, la femme de ma vie, qui saura me fermer les yeux en me caressant les cheveux et murmurer mon nom d'une façon jolie. J'attends, mais ne vois rien venir. J'attends qu'un septième ciel me tombe sur la tête, me fasse voir quelques étoiles, découvrir d'autres planètes et t'y trouver peut-être, et t'y trouver peut-être. Arrive-moi, arrive-moi, je t'ai préparé des tendresses. Arrive-moi, arrive-moi, je t'ai mijoté des caresses. Arrive-moi, arrive-moi, je suis prêt à te recevoir. J'ai fait un nœud à ma mémoire. J'attends, mais ne me décourage pas. Je suis sûr qu'un été traversera mes nuages, laissera passer un peu de bleu, moi, comme une image. J'attends, j'attends. Arrive-moi, arrive-moi, je t'ai préparé des tendresses. Arrive-moi, arrive-moi, je t'ai mijoté des caresses. Arrive-moi, arrive-moi, je suis prêt à te recevoir. J'ai fait un nœud à ma mémoire. Arrive-moi, arrive-moi, je t'ai mijoté des caresses.